Je l'aime, les expos. Je suis un maniaque des expos. Je connais Claude Raymond, je connais même Fernand Lapierre. Puis faites pas de joke sur Yopi, je rentre pas dans le sou. Toupet est un signe ostentatoire religieux. On espère que Bernard Drainville ne l'a pas inclus dans sa charte. Voici donc votre pape pour ce soir, Jean-Philippe Vaudier. Hey! Bonsoir tout le monde. Hey, c'est encore plein ce soir. Tabarouette. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous mettre du gros sujet. C'est quoi qui s'est passé cette semaine dans l'actualité? C'est-tu niaiseux? Non, mais t'as pu voir. Fred, y a-t-il... Attendez, là... Voyons, dans l'actualité québécoise cette semaine, qu'est-ce qui a marqué? C'est une drôle de semaine. Ben la conférence des dirigeants de l'Est de l'Amérique du Nord. Ça, c'est intéressant, ça. Qui c'est qui était là? Il y avait le gars du Maine. Vermont aussi. Alexandre Cloutier. Ils ont parlé de les éoliennes. Ça a pogné, cette affaire-là. Quoi d'autre dans l'actualité cette semaine qui a marqué, là? Il me semble qu'on a ri terrible. C'était quoi, non? C'était... Le cycliste, Danny Veilleux, David Veilleux. Il pédale, lui, toi, tabarouette. 25 ans, il arrête. Tabarouette. OK, qu'est-ce qui s'est passé d'eau? Il s'est pas passé de quoi avec le pape cette semaine? J'espère que non. On l'a massé, notre François. Non, c'est une question. Ah, OK. Michel Barrette qui a sauvé un suicidaire, Ça va lui faire une autre belle histoire à raconter. Tout un conteur, ça, Je sais pas si. C'est tout un conteur, ça. J'ai jamais vu un spectacle. C'est pas mal ça pour moi, Fred. Ça n'a pas fait l'actualité, mais j'ai fini mes conserves cette semaine. Écoute, tu fais des tomates. 14 pots de betteraves. De betteraves, c'est ça. Des petites, hein, pas les grosses ostentatoires. La charte des valeurs, c'est ça, me semble. Ostentatoire, c'est ça qui m'a fait penser. C'est ça. La charte des valeurs. C'était-tu drôle, ça? Ça a fait jaser, ça. Ça a plus fait gueuler que jaser. C'était un beau document. C'était bien fait. Ouais. Hein, du 8,5 par 11, ouais. Là, du beau document. Puis il y avait des dessins. Dessins. Qu'est-ce que moi, ça m'aide à comprendre. Non, j'avoue. Moi, comme tout le monde, je ne l'ai pas lu, ce document-là. Fait que ça se résume à quoi, finalement? Vous l'avez lu. Moi, j'imagine. Les employés de l'État n'ont plus le droit de porter de linge ostentatoire, mais visiblement, des bijoux religieux, c'est correct. Les bijoux religieux, les petites croix dans le cou, les bagues juives, on trouve partout dans le drama. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les boucles d'oreilles musulmanes, tout le monde a une ou deux paires chez eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bracelets raéliens. Il n'y a pas de problème. Des lasers. Je pense des condoms, on appelle. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une affaire qu'on n'a pas le droit, c'est les grosses croix dans le cou. Ça passe pas. Fait qu'Éric Lapointe pourrait pas être fonctionnaire. Non, ça, tu vois, c'est. On vient d'en perdre un bon. Lui. Ouais. Ça, j'aurais vu au bureau des permis, moi. Ouais. On a adresse! Non, mais c'est drôle, je l'aurais vu à sac, moi, plus. Oui, j'avoue qu'il y a un petit potentiel là. En même temps, une qui a envie de sacrer cette semaine, c'est Maria Mourani. Barouette, la députée du Bloc qui s'est fait expulser du caucus. Ça, c'est tout un move, un bon move du Bloc, on va se le dire. Wow! Si la stratégie, c'est d'avoir l'air tata, c'est un excellent move. C'est pile mais, dessus, je dirais. Morale de l'histoire, faut suivre la ligne de parti. La ligne de parti à 4 députés, Fred, c'est plus un tiret. Ils ne sont plus beaucoup à tenir. Peut-être même un pointillé. Mais en même temps, il faut qu'ils en profitent. Ils pourront plus en expulser beaucoup. Deux de plus, puis ils peuvent aller à la Chambre des communes en smart. En même temps, c'est un plus. Mais avec le finance, j'irais plus avec le tandem, moi, le vélo. Coûte moins cher. Ils vont pédaler en masse. Quoi d'autre cette semaine? Toujours dans le domaine du parti qui va assez bien, merci, la CAQ, qui a perdu un autre gros membre, ostentatoire aussi, celui-là. Il y a Dominique Anglade qui a décidé de partir pour aller au Montréal International, je pense. Ça va pas bien, la CAQ. Mais c'est de moins en moins de coalition, on dirait. D'ailleurs, c'est dangereux. D'après moi, ils vont être obligés de changer de nom et s'appeler François Legault Avenir Québec. Même juste François Legault Québec. Même l'avenir est trop là-dedans. En tout cas, bon. On en parle d'avenir. On reçoit quand même ce soir des invités qui en ont plein d'avenir. Qui en ont eu plein. Ou qui en ont eu plein. C'est vrai parce qu'on reçoit d'abord le nouveau président du Nouveau Mouvement pour le Québec, Pierre Curzi, qui est ici ce soir. On est très contents. Il y a du mouvement au Québec? Oui. Mon Dieu, ça paraît pas. Ah! Fred, faut pas dire mon Dieu, ça paraît pas. Faut juste dire ça paraît pas. Ah mon Dieu, c'est. Ouais, j'ai pas, non, oh, j'ai pas dit leur Dieu. J'ai dit mon Dieu. Ah, je pense que c'est correct. Ah, notre Dieu, c'est correct. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça. Ben, c'est la subtilité dans la charte. J'avais pas. Mais toi, j'avais juste regardé les dessins, moi, c'est pas. OK. Sinon, on reçoit également la présidente de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec, Nadwanika Fanor-Cadet. Je l'ai pratiquée, celle-là. Oui! Vous savez que Mario Dumont a déjà été président de la commission jeunesse du PLQ, hein? OK. Ouais. Oui. Mais comme quoi, il faut faire attention, on peut mal tourner en vieillissant. Oui, non, c'est vrai. Non, c'était un point. Mais vous aurez le temps de la mettre en garde, oui. Parce que la soirée est encore jeune. Olivier Niquette, les internets. Oui, oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio tradeunioncanada.ca/lasoirée où ils pourront voir Richard Martineau découvrir les hipsters 3 ans après tout le monde et nous raconter qu'il a vu des enfants, des chiens et des poteaux de téléphone hipsters à Brooklyn, toujours à la fine pointe de la démagogie, notre Richard. Si on ne l'avait pas, hein? OK, on passe au courrier des auditeurs. Pas sûr, j'aime ça. On va s'habituer. Un peu trop. Non? D'abord, on a Jean-Simon Fabien qui nous demande « Est-ce qu'Élise Marquis viendra à votre émission si, au lieu de la bière, vous ramassiez une commandite des yogourts grecs Oikos? » Ben, il faudrait d'abord que ça nous tente de l'inviter, mais mettons que oui, là, je pense que ce serait trop risqué de perdre tout notre public à moins qu'Oikos fasse du yogourt à la vodka. Sinon, on a Monique... C'est l'opinion de notre public, ça. Oui. Ouais. On a Monique de Sherbrooke qui demande « Je veux trouver Radio-Canada sur ma radio dans ma voiture, mais je ne sais pas à quel chiffre ça correspond. Pouvez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît? » Ah? Demandez si gentiment. Ben oui. À Sherbrooke, c'est le 101,1 FM, Monique. C'est sûr que si vous ne savez pas que c'est le 101,1, vous ne pouvez pas entendre ma réponse, mais au moins, ben oui, personne pourra dire qu'on parle pas des régions. Voilà. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Olivier. Hein? Et on va aller voir du côté de Jean-Sébastien à la circulation. Jean-Sébastien? Ah, bonjour, Philippe, mais comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. Ben écoutez, c'est assez inusité aujourd'hui. Je me trouve présentement à l'entrée principale de Radio-Canada. Hey, vous êtes chroniqueur à l'entrée principale aussi? Ah, ça, c'est chien! Oh, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment petit. Ben voyons, Petit. Ben voyons. Vous pouvez tellement être rare des fois, Jean-Philippe. Ben voyons, donc, c'est pas si pire que ça, l'entrée principale. Je m'excuse. Bon, ah ben, mais mon Dieu, je vous vois! Ben oui, je suis ici, Jean-Philippe. Allô? Allô? Dites bonjour à Jean-Sébastien, c'est tellement rare. Et que c'est pas agréable de vous voir, hein? Vous êtes bien, bien. Un petit rasoir, des fois. OK. Effectivement, à l'entrée principale de Radio-Canada. Pourquoi? Parce que vous le savez, depuis maintenant 4 semaines, je suis en train de devenir une véritable petite Judith Jasmin en menant avec beaucoup de panache cette grande série qui s'appelle « Viens voir les politiciens municipaux ». Oui. Ah, mon Dieu. La musique faible. Bon, c'est beau. C'est encore Céline Dion? Non, Ginette Renaud. Ginette Renaud, mon Dieu. L'essentiel. OK, c'est bon. C'est bon. On ne se tente pas, ça nous arrache les larmes du visage. OK. Et aujourd'hui, je fais mon grand entretien. Pourquoi depuis l'entrée principale? Eh bien, c'est pour aider mon invité à se retrouver une job à Radio-Canada, puisque cette journaliste avait quitté la SRC pour faire de la politique. Mon Dieu! Mais Philippe Schnob a déjà lâché la politique. Non, pas du tout. Je vous parle de Mme Hélène Ayot. Hélène Ayot. Non, on est à Radio-Canada, ici on dit probablement Ayo. Ah ben oui. Hélène Ayo, que vous connaissez, hein, qui est conseillère dans Rosemont Petite Patrie. Oui. Qui s'est fait élire sous la bannière de Vision Mondiale en novembre 2009. Elle est devenue indépendante depuis juin dernier, membre du comité exécutif. Oui. Et elle a annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Alors, je suis dans une petite table ici, à l'entrée principale. Je vais faire imprimer ses CV. Elle arrive dans quelques minutes. Alors, employé de la tour de Radio-Canada, venez nous rencontrer tout au long de l'émission, faire des propositions à Mme Ayot. Il doit y avoir de la place pour tout le monde ici. On se dit que si les saisons de Claudine animent à Radio-Canada, il y a de la place pour tout le monde. À tout de suite, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, notre premier invité. Ancien député du Parti québécois, il est le nouveau président du nouveau mouvement des Québécois. Et non, ce n'est pas un rôle de composition. Accueillons M. Pierre Curzi. Monsieur Curzi. Monsieur Baudier. Assoyez-vous, je vous en prie. Et je suis heureux de m'asseoir. Hey, est-ce que je vous offre une bière ou une bière? Oui, plutôt que... Oui, une bière. Oui, alors j'ai de la rousse ou de la blonde? Je prendrais une blonde. Ah, ben c'est une bonne... Et puis elle vient en canette en plus. Je vais vous l'ouvrir parce que des fois, j'en fais du Friani à brasse. OK. Ah, alors, ben voyez, je vous détache. C'est parfait. Ben, de toute façon, il y en avait déjà. Mais de toute façon, c'est payant, ça, être président du mouvement du Nouveau-Québec. Hey, c'est payant, ça ah oui. C'est terrible, ça. Mais vraiment, oui, très payant. Ah oui, hein? On n'imagine pas à quel point ça peut être payant être président du nouveau mouvement. Faites un chiffre. Dites un chiffre quelconque. Écoute, je vais y aller avec c'est déductible d'impôt. Ah oui? Oui, c'est ça, je pensais. C'est ça, je me disais. Ouais, ouais. Un chiffre complètement déductible. Aucune édition. On ne paye pas de TPS, pas de TVQ, rien là-dessus. À mon avis, l'impôt n'est même pas intéressé par ce genre de montant-là. Mais Pierre Curzi, on vous recevait l'année dernière. En fait, au printemps, je pense, vous veniez de quitter la vie politique. Et là, on vous reçoit et vous venez de réintégrer le mouvement politique. Hein? Ouais. Mais on dit le mouvement politique. Le NMQ, c'est un mouvement citoyen. Mais c'est sûr que il y a de la chicane, fait que ça doit être de la politique à quelque part. Il n'y a pas de chicane au NMQ. Non! Ben, j'étais sûr. Ah, ben parce qu'il y a eu là, son président a démissionné. Chicane. C'est vrai qu'il y a des tensions. Vous n'avez pas regardé avant de prendre la job, on dirait. Je n'ai pas regardé cet aspect-là parce que je me suis dit, bon, c'est le passé. C'est ça. Oui, j'avais quitté, j'ai passé un an. Puis là, pendant cette année-là, j'étais très heureux, une espèce de retraite. Puis tout d'un coup, il y a un sentiment de culpabilité qui... Oui, un tout petit sentiment. Oui, pas gros, hein, parce que c'est pas fleuri, gros, le NMQ. Tu sais comment sont les sentiments? Ouais, les sentiments intérieurs, ça fleurit. Je le sais, Et quand ça fleurit, à un moment donné, là, ça ta bouche... Sort. Oui, voilà. Et que c'est judéo-chrétien, hein? Ça. C'est une culpabilité qui grandit, là. Oui. Ben, je pensais à Boris Vian, ça rien de judéo-chrétien. Ah, oui. Le nénuphar qui grandit, c'est beau, ça. Depuis que la charte est sortie, c'est très ça l'a mêlé. Oui, bien, il y a déjà que... Enfin... En tout cas, je ferai pas de commentaire là-dessus. Non, ça bref, je me sens je trouvais que j'étais un peu trop jeune pour abandonner... La ferveur qui vous... L'étalement de mes convictions. Oh, ça, c'est bien. Pas, c'est un peu trop exagéré. Mais c'est exagéré. En même temps, vous avez été membre du PQ pendant combien de temps? 5 ans et demi, quasiment 6 ans. Quasiment 6 ans. En fait, la dernière année, j'étais plutôt en dehors. Bon, en tout cas... on va... Arrondissons à 5. Puis, mais c'est un beau temps, j'étais au PQ. J'étais député. Oui, ben député oui. Pendant, c'est ça, 6 ans. Tabarouette, hein? Un crime. Quand on pense à ça. C'est fou comme le temps passe. Bon, fait que c'est pas mal ça pour moi. Sans blague, on parle... Avais-tu une question? J'en ai plusieurs. En fait, j'en ai plein. Et la première qui me vient en tête, c'est parce que vous vous rappelez quand Jean-Martin Haussan a décidé d'aller gagner sa vie à l'extérieur? On a beaucoup parlé d'Option nationale et de Pierre Curzi. Ah oui, oui, oui. Vous connaissez Pierre Curzi? Oui. Vous connaissez Option nationale? Oui. Il y avait un lien qui se faisait entre ces deux-là. Et ça s'est pas avéré, hein, finalement. Non. C'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout qui se propose pour être à la tête. Mais ils sont plusieurs, non? Oui, je sais, mais on connaît pas les noms. Mais moi, j'en connais quelques-uns. Oui, par chance. Non, c'est sûr que... Il faut quand même, c'est des gens... Je trouvais que... D'abord, quand Jean-Martin était là, de qui j'étais très près, c'est quelqu'un ça. Que j'aime bien, c'est un ami, je dirais, Jean-Martin. Et puis, mais j'ai jamais réussi à adhérer complètement au mouvement, mais j'étais proche de ce mouvement-là. Je suis allé à certaines assemblées. Tu sais, j'ai même financé, évidemment, à fort prix. Oui, oui, je peux comprendre. Ben oui, mais, à coût de 10, 12 piastres facile. Non, là. Je lésinais pas. Tu sais, puis je payais une bière à Jean-Martin. Non, il n'y avait pas de limite dans ma dépense. Ouais. Mais je me sentais pas en... Je suis pas sûr que je fonctionne bien dans un parti. C'est ça, hein, qu'on remarque, en fait. Aller choisir de moi-même une structure de parti, et puis là, être obligé d'élaborer la ligne de parti... Ouais. Oh, je me suis dit, je me sentais pas à l'aise. Puis je trouve que c'est un mouvement jeune. Il y a beaucoup de belles personnes, là, du monde. Est-ce que vous trouvez trop vieux? Ben, je trouve que ça serait mieux que ce soit quelqu'un de plus jeune qui reprenne ça. Puis lui, il y a l'avenir, puis ils vont construire un parti, puis tout ça. Ah, ben c'est une bonne réponse. Puis la vraie question... ça a été bien j'avais dit. Le choix chez il y avait une belle chute. Et puis je me suis dit, ça a super bien tombé, puis ça va super bien passer dans les médias quand ça va être repris. Bon, j'espère. C'est surpris des fois? C'est très rarement repris. Ben, c'est pas un show qui est écouté. C'est pour ça que je suis venu. C'est un succès d'estime, par contre. C'est un succès d'estime, faut pas se tromper. J'ai beaucoup d'estime, moi. Ben, je sais, mais en fait, les gens ici ont beaucoup d'estime pour chacun de nous. C'est ça qui fait qu'on vit à chaque semaine. Mais la vraie question... Quand on parle, qu'on dit des niaiseries, vous avez le droit de manifester comme genre... Sont tous sous. C'est il y a très peu de réactions. Mais la vraie question, Pierre Curzi, c'est que quand on a vu ça, on s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est parce que sa carrière d'acteur est lève plus? Allons, ça va, c'est bien. Mon Dieu, vous avez trop de temps libre ou quoi? Je continue à être acteur. Là, je joue... mais je veux plus prendre sur mes épaules des gros rôles. De toute façon, on m'en offre pas. C'est assez chiant, ça. Vous auriez été très bon dans Hot Dog. Hein? J'ai fait... dans quoi? Dans Hot Dog. Vous avez le film Hot Dog? Ben oui. Mon l'avez-vous comment ça se fait? Vous êtes au courant de ça? Ben... Vous deviez ben, jouer dans Doug. Ben, arrêtez donc! Quel rôle là, vous auriez joué? Ben, oh, écoute, je l'ai lu. Vous avez, ben, regarde, à mon avis, j'ai brillant geste de carrière. Oui, je pense qu'il y a encore de l'avenir. Ouais, mais non, mais là, je fais un grand-père dans une belle série qui devrait être ici à l'automne 2014 qui s'appelle Nouvelle Adresse. Ouais. Je fais le père de la famille, c'est beau. Puis je vais jouer dans un film, puis je fais un autre épisode. Alors, ma carrière d'acteur, ça va ça bien. Ça va bien. Fait que oui, c'est vraiment votre ferveur souverainiste. Mais c'est le fait que je trouve que faut pas abandonner. Il ouais. faut pas abandonner. Puis, tu sais, la souveraineté, c'est une question qui quand même... Il y a à peu près 35% des gens qui sont en faveur de ça. Puis je trouve qu'il y a pas de parti politique qui épouse ces 35%-là complètement. Ouais. Puis je trouve que, tu sais, les partis politiques, on le voit, là, c'est toujours compliqué, puis c'est difficile d'une ligne de parti. À vous trouver? Il y a des stratégies. Ouais. Moi, je trouve que l'idée que ce soit des citoyens qui reprennent le ballon, puis disent, bon... La souveraineté, c'est une affaire de citoyens. Là. C'est ce qu'on va décider. Là. Tout le monde qui est ici, là, nous autres, tous ensemble, c'est à nous autres. Ça. Qu'est-ce qu'on veut pour, comme avenir pour ce parce pays-là? Que c'est... Comment on écrirait ça? T'sais? Moi, je suis dans cette veine-là. Là. Donc, c'est l'objectif du nouveau mouvement pour le Québec. Oui. C'est de réunir tous les partis qui sont indépendantistes. Et puis, il y avait les primaires Il y a deux objectifs. Le premier, c'est de dire, regarde, tous les partis qui se divisent au moment du vote, si on pouvait s'organiser par quelques moyens que ce soit, dont les primaires, pour consolider ce vote-là, s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité de députés souverainistes. Ouais. Premier objectif. Puis l'autre, c'est de dire, bon, ça, c'est une chose, c'est le bras armé, en fin de compte, pour un projet comme l'indépendance. Dit, ça, oui. Mais le vrai fondement de ça, c'est de dire, ça fait depuis 82 qu'on est dans un pays qui vit sans constitution. Alors, c'est comme si on avait un contrat de mariage, on ne l'a jamais signé, et puis là, on a juste les inconvénients de notre mariage, notre faux mariage. Oui, mais quand on va divorcer, ça va être plus facile. Bien, sur quoi on va divorcer? On ne sait même pas sur quoi on s'est unis. Ah, bon, on peut se faire donc, juste plein d'affaires. Donc, on serait peut-être mieux de s'écrire soi-même qu'est-ce qu'on aimerait comme mariage, si tant est qu'on veut un mariage. Alors, l'idée, c'est... Tu sais, le célibat, ça peut être bien aussi. Hein? Bien, un célibat accompli, mais ça implique quand même une sorte de constitution. Ben oui. L'idée constituante, l'idée que tu donnes le crayon puis le papier à l'ensemble des gens, puis les gens se parlent, puis on sait que c'est pas facile, mais ils finissent par s'entendre sur un certain nombre de choses qui dessinent l'avenir de ce qu'on voudrait que ce soit. Ben, on vient de s'entendre, en tout cas, sur une extraordinaire charte des valeurs québécoises. Non, mais... Déjà, on a un premier consensus qui va très bien. Ben très oui, ça bien. Ça ben, très bien. On rit, hein, mais il y a 65% des gens qui sont d'accord avec la charte. C'est un sondage qui est sorti aujourd'hui. C'est beaucoup de monde, hein, 65%. Vous en pensez quoi de la charte? Moi, le principe de la séparation de l'Église et de l'État, ben ça, de la laïcité, moi, j'appellerais ça une charte de la laïcité. Ouais. Je trouve qu'il faudrait être conséquent, puis il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec le principe. Puis je trouve qu'au moment où il n'y a pas de crise sérieuse au Québec, c'est peut-être le bon moment pour faire ce qu'on est en train de faire, plus ou moins adroitement. Discuter de ça assez profondément pour arriver à quelque chose. Parce que je suis sensible aux arguments de quelqu'un comme Maria Mourani qui dit « Ouf, vous êtes en train... » La perception qu'on a, c'est que vous êtes en train de nous exclure. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, la glace a fondu. Ben oui, non, jamais. C'est fou, le pouvoir de Maria Mourani. Et puis, en même temps, de l'autre côté, je me dis la neutralité, la laïcité, c'est un principe de justice démocratique fondamental. Si l'État est neutre, si on est laïque, ça veut dire que ce critère-là n'entre pas en ligne quand on a des services de l'État, quand on est dans les missions de l'État. Donc, en principe, là, c'est un beau principe. Mais si un beau principe de justice sociale équivaut à créer des injustices ou est perçu comme étant une injustice, ça veut dire qu'il y a encore du travail de pédagogie à faire. Ben, justement... Un gros travail de pédagogie. Le problème, en fait, avec la charte, c'est peut-être la façon dont ça a été lancé. Quand ça a été lancé, vous dites que c'est un bon moment, mais honnêtement, est-ce que c'est pas quelque chose d'électoraliste? C'est pas un genre de... C'est un peu crasse, non? Ouais, mais tous les candidats à mairie, ils lèvent les pattes comme si c'était impossible de... T'sais, on peut pas parler de la langue, on peut pas parler de la laïcité. Quand t'es candidat à la mairie, là, tu peux pas parler de rien. Ouais. Hein? Le Parti libéral, oh, arrow sur n'importe quelle charte, puis eux autres, ils ont enterré ça quand ça a été le rapport Bouchard-Taylor. C'est sûr qu'il y a des calculs politiques. Ben oui. C'est une stratégie électorale, mais c'est toujours comme ça en politique. D'où l'importance d'avoir des gens qui ne sont pas mêlés à des intérêts politiques. D'où l'importance du nouveau mouvement du Québec, par exemple. Il y a une logique dans la citoyenneté. C'est pas complètement ça veut dire fou, quelque là. Chose. Ouais, ouais. Pas totalement non, fou. Non, un petit peu. Ben, parce ça, c'est normal. Mais là, vous avez une sacrée job devant vous, quand même. Ça vous prend combien de temps par semaine? C'est une réunion de vendredi en dessous, dans le sol d'une église? Bon, pas tous les vendredis, quand non. même. Les, pas exagéré. Ouais, non, parce que vous êtes pas là ici ce temps, soir. Non, là. C'est ça. Non, non. Mais c'est quoi non, les rencontres? Comme tout ça est entièrement bénévole, comme il n'y a pas de... Ça se passe sur Facebook. Je passe au téléphone, on s'appelle, ça, on est ça. Deux, trois, on s'appelle, ben non, on dit, qu'est-ce qu'on dit. Ça, non, mais ça prend plus de temps que je ne le croyais parce que je pensais pas, moi, que ça allait, qu'on jouait un rôle politique. Là, il y a beaucoup d'entrevues, c'est comme s'il fallait prendre position tout le temps. Ben là, c'est je pense pas que le NMQ ait à prendre position sur tout. Par exemple, la charte. À l'intérieur, moi, j'ai parlé avec les gens, tout ce qu'il y a là, ouais. dans le LMQ, c'est un conseil d'administration, c'est des sympathisants dont le nombre varie. Mais il n'y a pas de consensus là-dessus. Là, tu sais, je vois bien ouais. que tout le monde est pas d'accord. Inévitablement, Pierre Curzi, président du NMQ, ça fait plus jaser que... Steve Côté, par exemple. Je veux dire, c'est... Ouais, mais quoi que Steve est un C'est un solide. C'est notre technicien, d'ailleurs, qui est en arrière. Non, mais il y avait l'œil sur le NMQ. Il m'a mis tout de suite les oreilles, il m'a expliqué comment faire. Steve est très efficace. C'est un gars du lac, tu sais. Le gars, il regarde. Ah, c'est un gars de chez nous. Fait que, regarde, il y a pas... Un guenillou que vous avez importé. Ah ouais, exactement. Il y avait besoin d'un emploi. Mais vous restez avec nous, M. Curzi. Ben, avec un grand plaisir. J'espère donc, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais entre-temps, c'est le temps d'aller écouter Kevin Gosselin de notre poste de radio préféré, Radio X Jazz, qui a sûrement quelque chose à dire sur la charte. Hein. Alors, on l'écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui bûche les itinérants. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission des airs d'Ariens, Kevin Gosselin derrière le microphone pour encore 3 jours, du moins je l'espère, puisque comme vous le savez, nous avons reçu une mauvaise nouvelle cette semaine. Eh bien oui, la commission des liqueurs, que les gauchistes appellent la SAC parce qu'ils aiment tellement ça, le saccage, a décidé de retirer toutes ses publicités sur nos ondes. Ouais. C'est une politique totalitaire, puisque bien honnêtement, c'était presque la totalité de notre budget publicitaire. Il va sans dire que cela va mettre de la pression sur la boutique de motocross de mon beau-frère Gary, qui devient dès maintenant notre principale source de revenus. Alors, chers auditeurs, avec la saison froide qui frappe à nos portes, n'hésitez pas à offrir à votre douce moitié un skidoo et pourquoi pas un motocross. Il y a de beaux rabais sur les modèles 2012. D'ailleurs, ça serait intéressant que le Parti québécois insère le motocross dans leur charte des valeurs québécoises, une activité pratiquée par des millions de Québécois en région. D'ailleurs, les femmes voilées devraient en faire du motocross. Elles verraient que ce n'est pas évident de garder sa burqa quand tu roules à 80 000 à l'heure dans une traîne de boîte. Alors, on poursuit en musique avec une pièce qui, je crois, résume très bien l'esprit de cette charte de Bernard Drinville. On écoute donc Chet Baker et la pièce I Get Along Without You Very Well sur les ondes du Radio X Jazz, le 91,2. Ah, bon, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, que je vois dehors comme ça. Jean-Sébastien! Jean-Philippe, vous allez toujours bien? Ben oui, je vous vois encore. Ben oui, regardez, j'ai toujours les CV de Mme Hélène Ayot dans les mains. Oui. Pour le moment, elle est venue en prendre. Mais évidemment, on se calme. Il reste encore 45 minutes à l'émission. Alors, bonjour et bienvenue à notre émission, Mme Ayot. Merci de m'accueillir. Bon, ça nous fait grand plaisir. Je vous dirais re-bienvenue à Radio-Canada. Hein. Donc, on est ici pour vous trouver un emploi. Vous êtes à l'aise avec ça, j'imagine. J'ai imprimé votre CV, donc on invite les employeurs à descendre ici devant le studio 85. Pour le moment, il n'y a personne, mais comme je vous dis, il reste encore un peu de temps. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? On jase, là. Idéalement, l'émission, votre choix de rêve, ce serait quoi? Parce qu'on sait que vous avez fait beaucoup de choses. Hein? Vous avez été, entre autres, chef d'antenne à TQS, à TVA, pour les informations. Mais quand même, quand on a atteint le top, à un moment donné, est-ce qu'on peut encore rêver? Est-ce qu'on peut encore rêver après avoir animé Coup de pouce télé? Oui, et c'est dans l'air et d'autres choses encore, et c'est ça la vie. Et oui, ben écoute, une émission où il n'y aurait que des bonnes nouvelles, un bulletin de bonnes nouvelles, ça c'est un fantasme. Je pense que tous les chefs d'antenne ou ex-chefs d'antenne rêvent de faire ça, que des bonnes nouvelles. Ma TVA, il y a déjà la bonne nouvelle TVA. Non, mais pas la bonne nouvelle, oui. Que des bonnes nouvelles partout sur la surface de cette terre. Ah, il y a quelqu'un qui passe. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez venir nous dire bonjour? Oui. Oui, vous avez Mme Hélène Ayotte ici, vous la reconnaissez? Bien sûr. Oui, est-ce que vous avez un pouvoir d'embauche, vous, à Radio-Canada? Un pouvoir d'embauche? Oui, qu'est-ce que vous faites ici à Radio-Canada? Coordonnatrice marketing et vente, mais non, j'ai pas de... j'engage pas. Fait que vous pouvez pas engager, Mme Ayotte. Ah, il y a Achille Michaud ici. Monsieur Michaud, venez ici. Ah, bon, ça, on va y trouver une job, c'est pas des farces. Alors, bonjour, Monsieur Michaud. Ah, bonjour, bonjour. Alors, quel est votre titre exactement, Radio-Canada? Reporter. Oh, d'accord. Reporter national. Pensez-vous que vous pourriez engager Hélène Ayotte qui rêve de revenir à Radio-Canada? Ben, écoutez, là, je pourrais... moi, je suis très proche de créer un emploi à Radio-Canada, puis il n'en tient qu'à Hélène de le prendre, hein? Ben, voyons donc, on vient vraiment créer... Comment vous réagissez? C'est inespéré, c'est pas seulement inattendu, on ne l'avait pas préparé, mais c'est pas facile. Ça fait, vu mon âge canonique, ça, c'est prévisible, oui, quand même. Ben, oui. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Michaud, je vous envoie son CV par Twitter. Oui, tout à fait, oui, c'est un CV très court. On a vraiment l'impression que c'est arrangé. Or, absolument pas, Jean-Philippe. Oui, c'est bon. Bon, ben, ils sont en train de s'embrasser. C'est donc un beau moment de radio. Mais je suis content, pour vrai, que vous ayez peut-être trouvé quelque chose, parce que j'allais vous suggérer d'aller rencontrer la direction et peut-être leur proposer de tasser des émissions qui sont déjà là. Par exemple, bon, la bibliothèque de René. Moi, je trouve que tu sais, c'était bon, cette émission-là, mais je pense qu'ils ont fait le tour. Hein? Je pense que c'est moins bon depuis une couple de semaines. Un autre choix, peut-être? Oui, peut-être. Vous pourriez enlever Culture Club. Ça a fait le tour. C'était bon au début, mais ça a fait le tour. Vous lassez vide, vous, hein? Ah oui, oui, oui, oui. Comme vous en politique. 4 ans, quand même, j'ai fait mon mandat. Ouais. Écoutez, on va écouter la petite chronique du petit garçon qui s'en vient, puis je reviens tout de suite après Jean-Philippe. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de Ici Radio-Canada, première, une émission qui se demande si Piqué-Souban est trop ostentatoire pour la charte du PQ. Eh bien, Fred, votre chronique. Ben oui, on parle beaucoup de la charte, hein? Je sais pas. Eh bien, je vais continuer, évidemment. Ah, ben c'est super. Il y a rien comme 4 minutes là-dessus. Mais contrairement à tout le monde au Québec, j'ai pas encore d'opinion arrêtée sur le sujet. Et Dieu seul sait que je suis capable d'avoir des opinions arrêtées, hein. Comme par exemple que les aubergines, c'est une véritable fraude, ça goûte rien, et je suis à peu près certain que c'est une invention des producteurs d'huile d'olive pour nous faire acheter plus d'huile d'olive. Hein? Ça, c'est de l'opinion. Aïe, aïe, hein. Alors, ainsi donc, j'ai envie d'être de mauvaise foi et faire un peu l'avocat du diable, hein, deux concepts qui bientôt seront interdits dans la sphère publique. Alors, d'abord, je n'ai pas de félicitations à faire au PQ que je qualifierais, comme le disait Yvon Deschamps dans un de ses monologues, de petit cul, hein? Au lieu de régler une bonne fois pour toutes et de façon intelligente une question délicate, ils ont plutôt choisi le machiavélisme et l'électoralisme, deux concepts qui, je croyais, étaient une marque déposée, en fait, du Parti libéral du Québec. Mais comment s'en surprendre venant d'un parti qui développe depuis sa naissance ou presque de nouveaux moyens de se tirer dans le pied à chaque semaine? On leur donnerait tout inventé le bouton à 4 trous qu'ils essaieraient de percer un cinquième trou pour finalement laisser faire et adopter la fermeture éclair à la place. D'abord, pourquoi donc maintenir le Saint-Siffrie de crucifix qu'on s'entend à garder sur le mur du Salon Bleu, hein? Ben. Tant qu'à faire parler les morts comme le fait si bien Philippe Couillard, je suis sûr que Jésus serait le premier à vouloir se décrisser lui-même du mur. Et dire que la décision vise probablement à satisfaire 4 ou 5 députés du caucus qui disent toujours à Pauline, les gens de ma circoncision tiennent beaucoup plus Jésus sur la croix. Si vous l'enlevez, Madame Pauline, je sais pas ce que je vais lui dire en venant en hélicoptère dans ma circoncision. J'aimerais bûcher un peu sur tout le monde et féliciter le mouvement T-Chart qui, 10 minutes après la publication de la charte, avait déjà lu, compris et produit une opinion éclairée en plus de l'avoir résumée dans une lettre signée par 266 intellectuels. Je savais même pas qu'on avait 266 intellectuels au Québec. C'est-à-dire, hein? Vous pouvez vous calmer, on le sait que vous êtes bien tolérants. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la belle diversité d'opinions du journal La Presse en cette semaine. C'était vraiment un beau vent de fraîcheur. J'en profite pour ne pas féliciter beaucoup de jambons pro-charte qui commencent leur phrase par « Je suis pas raciste, là, mais ils sont pas contents, qu'ils retournent dans le pays. » Je leur répondrai que toi, le jambon, si t'es pas content pis si t'es pas amérindien, t'as juste à retourner dans ton pays, toi aussi. Je veux quand même féliciter la Madame Voilée par choix et qui n'est soumise à rien de vouloir quitter sa job de fonctionnaire pour déménager en Ontario pour pouvoir porter son voile. Des convictions comme celle-là, moi, ça m'impressionne. Si Radio-Canada m'obligeait à ne pas mettre de chapeau quand je fais mon travail, je suis pas sûr que je déménagerais pour pouvoir porter mon chapeau. Cela dit, je ne crois à rien qui m'oblige à porter un chapeau, surtout pas la calvitie. Mais j'espère au moins que tous ceux qui estiment que l'éducatrice en garderie qui a absolument besoin de son chapeau pour bien faire son travail dans un CPE subventionné aura la même indulgence pour notre bon maire Jean Tremblay, qui lui aussi a besoin de faire sa petite prière pour faire son travail. Hein? L'important, c'est pas les bondieuseries, c'est que le travail soit bien fait. Je vous rappelle que j'ai fait l'avocat du diable, hein? J'ai un barreau dans le derrière de la charte et je suis de mauvaise foi. La mauvaise foi avec le PQ, on le sait, n'est pas catholique. Avant de terminer, j'aimerais rassurer les gens d'affaires du monde entier qui s'inquiètent de l'intolérance et de la xénophobie galopante au Québec et qui hésitent à venir investir ici. Ouais. Au lieu de tomber dans la démagogie, je leur suggérerais plutôt de prendre rendez-vous avec des gens de chez SNC-Lavalin. Ils ont développé d'excellentes stratégies en Libye qui pourraient servir dans une dictature comme le Québec. Malheureusement, on ne fait pas encore de torture d'opposants au régime ici, donc pas de grande prison à construire. Unité 9 nous suffit très bien. Mais qu'on se calme le pompon, au toit qui s'inquiète de la tournure du débat qui rugit au Québec sur la charte. N'oublions jamais qu'on est au Québec. Le hockey commence bientôt, la voix aussi d'ailleurs. On va passer à autre chose et peu de gens s'inquiéteront vraiment de l'intégration des immigrants. Anyway, on est à peine intégrés nous-mêmes dans ce beau pays qu'est le Canada. On va pas sauter trop d'étapes non plus. Ah, oh, merci, frère. Ah. Bravo. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, mon Dieu, que c'était lourd, hein, comme chronique. Ben, honnêtement, c'était une de ces drôles. Non, je pense pas. J'avais l'impression que c'était comme du Mathieu Bock côté, mais sans le côté humoristique. C'est souvent ça, Fred. Oui, c'est la plupart du temps, c'est ça. Mais je suis toujours avec Mme Ayotte, évidemment. Je sais plus vraiment quoi faire avec elle parce qu'elle s'est presque trouvé un emploi. Alors, on va en profiter pour jaser de politique, puisqu'évidemment, nous sommes à venir voir les politiciens municipaux. Alors, on va revenir à vos débuts, Mme Ayotte. Vous êtes arrivée en politique en 2009 en citant, et là, je vous cite, « Je pense que Montréal est actuellement dans un état de morosité. Je viens en politique pour continuer et pour contribuer à changer les choses. » J'imagine que vous pouvez partir en disant mission accomplie. Oui, c'est difficile de tout changer, hein? Mais on contribue à la mesure de notre énergie, puis d'autres vont arriver, puis vont aussi contribuer. J'espère qu'ils vont venir d'horizons différents, puis qu'ils vont apporter quelque chose à la vie municipale. Je prétends pas avoir fait tout ce que je voulais faire, mais disons que le désir n'y est plus. Oui. En 2009 également, quand vous êtes arrivée en politique, vous avez dit que vous étiez séduite, en fait, par l'idée de faire élire la première mairesse de l'histoire de Montréal, donc à l'époque, Louise Arel. En même temps, j'imagine que vous avez peut-être changé un peu d'idée, je veux dire, une première femme au pouvoir dans un poste politique. Je pense qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas nécessairement les gros chars. C'est une question que ma recherchiste a écrite. Ah bon? Je ne comprends pas. Non, moi non plus. Je trouve que c'est un non-lieu. Alors, je vous remercie beaucoup. Hein, on va poursuivre cet entretien. Mais évidemment, vous le savez, ce qu'on fait, viens voir les politiciens municipaux. Je vous invite à m'écrire sur Twitter. Donc, mon Twitter, c'est JS Girard. Vous m'écrivez vos questions pour Mme Ayotte. Et dans quelques minutes, on va y répondre, mon bon Jean-Philippe. Ben, je vous remercie. Poussez-vous pas d'être là. Vous êtes dans mon champ de vision. Je trouve ça assez beau. Hey! Peu connu du grand public, elle devrait sortir enfin de l'anonymat. Grâce à nos fabuleuses codes d'écoute, voici la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, Madoua Nika Cadet. Hey, ça va vite? Ah, la web. Ben oui. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'est celle-là. Ah, ben non, faut vous mettre loin, à côté de moi. Hein. Ben oui, ouais. Je sais bien. Là, écoute, je vous appelle. C'est la première fois qu'on soit quelqu'un avec quatre noms, donc je me sens. Non, mais c'est. Alors, je me sens un peu mal. Je vous appelle comment? Madoua. Ah ben c'est facile, c'est, oui. Mon Dieu. On lâche l'iPad. Je me suis compliqué la vie pour rien. Est-ce que je vous offre une bière? Non, c'est gentil, merci. Je me disais bien aussi. je vais vous expliquer parce qu'en fait, vous êtes probablement une des plus jeunes invitées à l'émission. Dépassée seulement par... Léo Blouin. Oui, il y avait 12 ans à l'époque. Non, mais là, depuis qu'il est dans le Parti québécois, il est rendu à 67. Ah oh, oui, facile, non, ça a facile. Fait d'un coup, comme ça. C'est parce que vous avez tenu votre congrès en août. Exactement, comme chaque année. Excusez-moi, je ne vous suis pas chaque année. on parlait, il y a eu beaucoup d'enjeux qui ont été discutés dans les médias. Donc, par exemple, cette idée qui a été lancée de garder les bars ouverts jusqu'à 5 heures, pour une raison que je ne comprends pas, ça a fait beaucoup, beaucoup jaser, cette histoire-là. Et vous étiez avec Paul Arcan. Et votre entrevue avec Paul Arcan le matin, ça m'a fasciné parce que je vous entendais répondre à ça. Et Paul, qui toujours entend-elle, vous a demandé à trois reprises qu'est-ce que vous en pensiez, vous. Et à trois reprises, vous avez réussi à répondre d'autres choses que la question. Et je me suis dit, mon Dieu, si jeune est déjà une cassette. Il faut absolument que je la reçoive parce que je veux savoir pourquoi un jour on décide de vouloir être... En fait, quand on est si jeune... Vouloir être politicien et avoir la cassette. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Absolument pas. Non! Vous avez la cassette comme ça, née, vous n'avez pas fait un choix. Mais ça me fascine pour vrai. Je veux absolument connaître Madoua Nika Fanor Cadet. Excusez-moi. C'est bon. Je veux la connaître. Mes parents seraient fiers de vous de bien prononcer mon nom. Oui, je l'ai raté deux fois, mais quand même. Moi, j'ai commencé à m'impliquer au parti il y a à peu près 5 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai 18 ans. OK, à l'âge de 18 ans. Ouais, dès que je suis devenue citoyenne, je me suis dit, moi, je m'implique dans un parti. Alors, la question que je me pose, c'est celle-là. Parce que, veux pas, on parlait avec M. Curzi, qui, lui, n'est pas un politicien de carrière. Hein, vous êtes devenu politicien sur le tard, en fait. Ah ben oui, très tard. Vous avez quitté, vous êtes revenu, vous faites des allers-retours. Je fais des allers-retours, oui, mais je suis arrivé assez tard. Oui, ben oui, tout à fait. Mais là, vous vous enlignez pour être une politicienne de carrière, comme on appelle. Mais je veux dire, quand tu as 18 ans, tu rentres dans le Parti libéral, à mon avis, tu te bâtis une carrière politique que tu vas traîner toute ta vie. Parce que, je veux dire, dans 30 ans, vous allez avoir 48 ans. Non, c'est pas vrai. Là, t'as 30 ans, vous allez avoir 53 ans. Ouais. OK? Mais vous allez avoir 30 ans de carrière politique déjà en arrière de la calotte. Ça veut dire que ça fait une politicienne de carrière, ça. On veut être politicien dans sa carrière. On peut avoir ce désir-là à l'âge de 18 ans. Bien, mon objectif, quand je suis rentrée au parti et que j'ai commencé à m'impliquer, c'était vraiment d'être capable d'opérer des changements. La Commission Jeunesse, nous, la carte d'assurance maladie, à l'époque, c'était la Commission Jeunesse sous Robert Bourassa, le Fonds des Générations. Quand on a enlevé la taxe, la TVQ sur les livres, tout ça, la malbouffe, enlever la malbouffe dans les écoles, tout ça, c'est des réalisations de la Commission Jeunesse. La Commission Jeunesse du Parti libéral du Québec. Exactement. La Commission Jeunesse détient le tiers des voix à l'intérieur des instances du parti. Donc, pour nous, comme jeunes, on a vraiment, d'une part, on est l'aile jeunesse qui a le plus grand pouvoir au Canada. Puis, ça nous permet d'être capable de faire avancer nos opinions puis de les faire adopter par toutes les instances du parti. Puis, c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est vraiment, qui est vraiment stimulant quand on commence à s'impliquer, quand on a 18-19 ans puis qu'on a envie de faire bouger les choses. Justement. On se dit que dans la communauté, on est capable d'opérer un changement, mais dans un parti. Dans un parti politique, c'est le moyen de le faire. Justement, pourquoi dans un parti politique? Parce c'est drôle parce que c'est justement. Concret. Ben, mais M. Curzi, qui n'est pas capable d'être dans un parti, visiblement, il chicane tout le temps, a décidé de s'impliquer à l'extérieur d'un carcan d'un parti politique. Mais à 18 ans, on est capable de se dire le parti libéral, ce carré-là, ou un cercle ou un hexagone, je ne sais pas comment c'est la forme, là, ça peut être aussi un trapèze. Là, j'ai pas de... En tout cas, c'est un carré qui est vert, il n'est pas rouge. Oui, c'est un carré. En tout cas, si c'est un carré, il est vert. Vous êtes capable de vous dire, dans ces limites-là, je suis à l'aise. Vous n'avez pas envie de créer à l'extérieur de ces limites-là. En fait, c'est ça. C'est que non, vous... parce que les vrais débats sont à l'Assemblée nationale. C'est nous, vraiment? C'est là qu'on adopte les projets de loi, puis c'est là qu'ils sont réalisés. Le petit jeune, là, prenons notre ami ici, qui a une casquette des Blue Jays. Bonjour. Il est dans son sous-sol. Aïe, il serre déjà des mains. Il a déjà quelque chose. Non, mais c'est pour vrai, là. Pour vrai. Aïe, c'est de valeur qu'on n'ait pas de bébé embrassé. Il n'y a personne qui a un bébé sous la main qu'on le... D'ailleurs, ça me fait penser, on parlera de Pierre Moreau tout à l'heure. Donc, l'idée dans le sous-sol, là... Non, il n'y a pas de bébé à ce que ça. OK, on parlait de quoi, là? Ah oui, l'idée dans votre sous-sol, c'est ça. Bon, regarde, tu filmes quelque chose, tu prends une bière, puis là, t'as l'idée, je veux que les bars ouvrent jusqu'à 6 heures du matin. Hein? Ben, il me semble que ça fit, en plus. Mais là, pour faire tout passer ça, là, à la commission, pour que ça passe au Congrès, pour que ça soit retenu... Je peux donner cet exemple-là, parce que ça, c'était une idée d'une commission politique régionale. Dis-nous... Des jeunes libéraux qui avaient du fun. En Beauce, probablement. La gang qui sort. C'est correct, allons-y là-dessus. Ces jeunes-là, il y en avait deux, trois qui revenaient de New York puis qui se sont dit, bien inspirés, que ça pourrait être une excellente idée à être capable de mettre sur pied ici pour des raisons économiques, dans une perspective touristique, etc. Donc, se sont dit, en commission politique, ils ont débattu ça passe en commission politique, puis là, nous, de toute façon, on doit faire en sorte que toutes les positions qui sont adoptées dans les commissions politiques soient représentent les différentes régions, puis soient là parce que les jeunes travaillent dessus, puis c'est le fruit de leur travail à eux. Là. Et là, évidemment, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que toi, Madoua, t'aurais été d'accord pour que cette motion-là passe? C'est la question que tu n'as pas répondu, en fait. C'est la volonté des jeunes. Là, la position... Malade! Mais la position... Je me suis dit que si j'étais capable de faire répondre à cette question-là, je vais remplacer Paul Arcand. La position, quand elle est adoptée en congrès jeune, moi comme porte-parole... Non, c'est toi. Bon. Non, je m'en fous. Toi. Regarde, on ira prendre une bière après, puis tu me raconteras ton histoire de porte-parole. Mais toi, là, toi, Madoua, toi. Toi, est-ce que t'aimerais ça que les bars soient ouverts jusqu'à 5 heures? Pas le PLQ, c'est, voyons, qui... toi. Je pense que la réponse, c'est oui, hein, c'est ça. Mais toi! Mais moi, je serais pas nécessairement le bon public cible pour veiller jusqu'à... Je bois pas vraiment. Hein. Ouais, c'est bien. Puis veiller... Moi, je suis toujours bien fatiguée, là, fait que je m'endors assez tôt. Seigneur Dieu! Vous savez que votre chef, il se couche à 8h30 quand il vire fou, là. C'est pas une blague. Philippe Couillard se couche à 8h. Il se lève tôt. Ben oui, mais t'as beau te lever tôt, 8h. Je veux dire, imagines-tu, il n'a même pas le temps de regarder 30 vies. Ben oui. 30 vies vient de finir, mais tu sais, t'as pas lavé les dents. Mais... Ben justement, parlons de ça, parce que je me disais, bon, je regardais les photos du congrès des jeunes libéraux. De cette année, ouais. Oui, je me disais, j'ai ça et le magazine Sears, c'est un peu la même chose. Et inévitablement, mais c'est vrai. Vous n'avez pas regardé les bonnes photos. Pourquoi on a l'impression que c'est un format, ces gens-là, qui s'impliquent dans les parties, dans les ailes jeunesse des partis? C'est une question intéressante. Moi, je ne dirais pas que c'est un format. Je pense qu'il y a des jeunes de tous les horizons qui s'impliquent dans les différents partis politiques. Tous les horizons? Ben, dans les différents partis politiques, là, ouais. Oui. Puis chez nous aussi, on a des jeunes, ben, d'une part, on a des représentants régionaux pour toutes les régions du Québec, mais que ça reste que chacun amène sa petite réalité. Autant, moi, j'étais représentante régionale de Montréal-Nord, puis j'ai des jeunes qui s'impliquent, qui sont de la Gaspésie. Fait que ça fait en sorte qu'on doit véhiculer nos différents horizons, nos différentes... Est-ce qu'il y en a qui viennent en T-shirt? Au congrès? Oui, il y en a qui viennent en t-shirt, ouais. Au congrès. Propre, t-shirt propre, ouais, quand ouais. Même. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Oui. Mais qu'est-ce que l'apparence? C'est super important parce que inévitablement, l'apparence va diviser l'opinion que les gens ont d'une structure. C'est fou de même, mais quand tu regardes des jeunes qui s'impliquent dans un parti politique et qui sont déjà habillés en complet cravate, inévitablement, tu te dis, moi, à 18 ans, je me vois pas là-dedans. Donc, comment vous faites, vous, pour attirer les jeunes qui n'ont pas envie de s'habiller comme ça? Bien, d'une part, il n'y a aucune obligation de s'habiller comme ça. Je le sais qu'il n'y a aucune obligation. Il y en a plusieurs de nos jeunes. Mais inévitablement, sur les autres photos, on deviendra amis Facebook. Sur les autres photos, on travaillera là-dessus après. Moi, je tiens à dire que je mettais des cravates des fois au cégep. Hein. Oui, mais en même temps, vous avez fini les apartistes. Il n'y a pas chacun ses erreurs. Mais, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, j'avoue. Oui, mais donc, comment on fait pour attirer les jeunes parce que on veut être beaucoup, j'imagine. Quand on est là-dedans, ouais. On n'a pas envie d'être dans l'aile jeunesse du Parti libéral et être trois. Non, on n'a pas envie d'être les jeunes de la CAQ, non. C'est ça, bon. Oh, boum. Je dis ça avec beaucoup d'égard. C'est un peu chien de Vargis Saint-Cheval qui est déjà mort. Mais... C'est plus imponné. On revient d'un voyage avec les jeunes des différents partis politiques, puis on s'entend très bien, puis ils ont une belle aile jeunesse. Oui, non, mais écoute, on les aime. Je les salue. Tout le monde, on les embrasse. Ils sont trois, d'ailleurs. J'ai tellement de choses à discuter avec vous, je pensais jamais vraiment. J'ai même pas on parlé de la charte. Plaisir. Ouais, la charte, c'est quelque chose qui vous tente aussi, ça. Vous êtes bien content de ça. Nous, on était assez choqués des propos qui sont émanés à partir. En fait, toute la semaine, tout le débat sur la charte. C'est assez choquant de voir de part et d'autre toutes les discussions qui sont là-dessus, mais moi, profondément, moi, je suis contre ce projet-là. En fait, pas sur le projet de laïcité. Puis là-dessus, je suis d'accord avec M. Curzi qui disait que c'est une charte de la laïcité. Là, c'est pas une charte des valeurs québécoises parce que c'est pas un parti politique, un gouvernement de nous dire quelles sont nos valeurs québécoises. Ouais. Elles sont assez différentes. Puis de penser là-dedans, puis d'essayer de diviser. Puis oui, il y a une part qui est électoraliste là-dedans. Puis ça me chicote beaucoup. Puis je trouve ça inquiétant de lancer des messages, de dire sans lancer de chiffres. C'est sûr, tout ça. M. Drainville a lancé dans une de ses entrevues, il y a des gens qui viennent me voir puis qui disent qu'ils ont un malaise. Moi, qu'est-ce qui me rend mal à l'aise, c'est de voir que y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques, puis qu'ils nous lancent une idée comme ça qui c'est un ballon qui appelle, alors on va tester, je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Il veut surtout susciter l'attention sur ce sujet-là, puis à l'heure où on a beaucoup de défis à relever, nous, dans la société québécoise. Madoua? Oui. Est-ce que vous prenez des bières le soir? Moi, je ne bois pas vraiment de bière. Non, vous ne sortez pas prendre un petit martini ou un vin. Je prends du vin. Champagne, quelque chose de même. Cool, OK, bon, on s'en parle tout à l'heure. C'est bon. Vous restez avec nous, Bien sûr. Parfait. Fred, présentez-nous Olivier. Si l'écoute de la radio poubelle était une religion, il y aurait certainement des écouteurs ostentatoires, mais quand même inclusifs. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Hey, oui, Olivier! Oui! Je t'avais oublié, qu'est-ce que vous voulez? La semaine a été pas mal monopolisée par la Charte des valeurs québécoises, mais je vais vous en parler plus tard parce qu'il faudrait pas négliger d'autres sujets tout aussi importants, sinon plus. Je parle bien sûr du gars qui a tout perdu parce qu'un mal de couille l'empêche de vivre une vie normale. Tout perdu? Non. Parce qu'avant d'aller s'épandre chez Denis Lévesque, il lui restait toujours sa dignité. Parce que ça a l'air fou, t'sais, mal aux testicules. C'est sûr que ça, t'sais, c'est pas comme se casser un bras, etc. Oh. Mais moralement, ça doit être difficile à prendre. Ben là, j'ai eu des médicaments, j'ai fait une dépression. C'est un malage, ça, bonne affaire. C'est plus de femme, plus rien. C'est l'enfer. plus de femmes, plus rien. C'est l'enfer. Mais sûrement que d'en parler à la TV, ça va l'aider à se trouver une madame. Autre chose qui est passée un peu dans le beurre, ben oui. Le retour à la radio du chauffeur d'autobus André Arthur sur les ondes très fréquentées de Siki FM, la radio de Montmagny. Oui, ils ont redonné un micro à ce monsieur et heureusement parce qu'il a pu remettre les pendules à l'heure et aller au-delà de nos préjugés sur les étrangers, particulièrement sur les Pakistanais et les Afghans. Ils arrivent de leur pays de cul, parce que c'est tous des pays de cul, et ils décident d'imposer leur valeur de pays de cul à nous autres, parce que ça nous fait plaisir. Ah, un message qui aura sans doute beaucoup de résonance dans les banlieues de Montmagny. Ce qui nous amène aux choses sérieuses, la religion. Et disons qu'il a beaucoup été question de religion cette semaine dans les médias. C'est quasiment une religion, syndicat au Québec? Non, pas cette religion-là, là. T'as plus le droit de penser, de te questionner, le réchauffement climatique. À un moment donné, ça devient une religion. Non, je veux dire... Cette nouvelle religion, j'appelle ça l'écolo-chamanisme. C'est un mélange d'écologisme radical avec la spiritualité autochtone. L'écolo-chamanisme. Non, je parle de la religion qui doit être séparée de l'État. Là. On parle beaucoup de laïcité ces temps-ci au Québec, mais s'il y a une religion dont l'État devrait se séparer, c'est celle-là. La religion du déficit zéro. Oui. Non! Je veux dire, la religion catholique, l'islam, le bouddhisme... N'oublie pas, l'indépendance, c'est aussi une religion. Ah ben oui, puis le PQ, c'est une religion aussi, tant qu'à y être. Le PQ, pour certains, c'est une religion. Là. Non, mais je parle des vraies religions, de comment les aborder, de l'intégration, du multiculturalisme. Pour un certain nombre de Québécois opposés à la Charte, le multiculturalisme à la canadienne est devenu une religion, en fait. Bon, une autre affaire. Tant qu'à ça, est-ce que d'être pas religieux, c'est une religion? On dirait que la laïcité s'est rendue la nouvelle religion. Ça l'est. Coudonc, c'est-tu rendu une religion de dire que quelque chose est une religion? En tout cas, de toute façon, là, tout le monde sait que la vraie religion, c'est le hockey. Et justement, grosse perte pour nous, Patrick Roy a quitté le Québec pour le Colorado, mais ce n'est pas pour des raisons religieuses ou parce qu'il ne nous aimait pas. Je voulais que les gens sachent aussi en même temps comment moi je me sentais, puis que je m'en allais pas ici du revers de la main, puis ça. Il ne s'en allait pas du revers de la main, et moi, je vais balayer ça de gaieté de cœur pour parler pour vrai de la charte. Concluons donc avec cet extrait de Stéphane Gendron, très représentatif de la hauteur du débat auquel on a le droit dans certaines sphères. Je veux savoir de Bernard Drainville qui refuse de nous donner une entrevue. Bernard, dans ta charte des valeurs pour les fonctionnaires, est-ce qu'une paire de seins, bien en évidence, en silicone grosse qui nous pète dans la face, c'est-tu assez ostentatoire pour toi? Voilà! Suffit de poser les bonnes questions sur un ton posé et j'ai bon espoir que tout ça va bien se terminer. Merci beaucoup, Olivier! Wow! L'ineffable Stéphane. Ben oui, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous êtes toujours dans le couloir? Ben, je suis toujours dans le couloir, regardez-moi. Allô? Ah, bonjour. Allô, écoutez, je reçois plein de messages Twitter, des gens qui veulent poser des questions à Madame Ayo. J'y vais tout de suite avec cette première question qui nous vient de Monsieur P. Curzi de Montréal. Ah. Ça va comme si. Allô, Hélène, est-ce que tu peux me donner des conseils pour bien réussir ma vie après la politique? Me semble que depuis que j'ai fini d'être député, je fais de drôles de choix et je m'embarque dans pas mal n'importe quoi. Eh bien, on va avoir un entretien, lui et moi, discuter d'avenir ensemble. Ah, est-ce que ça vous tente? Je pense pas que je puisse vous donner un travail, par contre. Non, mais c'est comme ça, c'est de manière amicale. De manière amicale. Est-ce que ça vous tente, M. Curzi, d'être ami avec Mme Ayotte? Ah, oui, absolument. Oui, ça y tente, moi, ça y tente. Un autre courriel maintenant qui vient de L. Harel de Montréal. Et ça dit, allô Hélène, est-ce que tu vas finir par me dire une fois pour toutes pourquoi t'as quitté mon parti, ma petite bougresse? Ben avec elle, voyez, j'en ai un lunch de prévu. Alors on va pouvoir se dire les choses, oui. Madame Ayo, c'était un véritable plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je poursuis la semaine prochaine, Jean-Philippe, avec bien voir les politiciens municipaux. Aye. Parce que, comme vous le savez, les élections, c'est dans l'air. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire a dû chercher longtemps son sujet de chronique cette semaine. Et non, ce ne sera pas sur la Syrie. Voici le billet de Jean-Philippe Cipriani. Hey, oh! Cipriani, c'est rare que je me lève pour vous, hein. Aye. Non, mais c'était pas pour vous serrer la main. C'est juste... Hey, Colin! Hey, ça je suis italien, hein? Ça, catholique? Oui, c'est ça. Ben oui, vous êtes ostentatoire pas mal, vous. Je sais. Ça a dû ruer assez violemment dans les corridors de l'Assemblée nationale avec la charte cette semaine, non? Non, voyons, c'est une maison bénie, le Parlement. Vous saviez pas, vous, tu sais, sous l'égide de Jésus, le Saint-Rédempteur, ouais. Tout se fait dans l'allégresse. Selon Twitter, il faut dire chartre Je l'ai lu partout. Ah ouais? Charter en bilingue, ah ouais? Comme la chartreuse là, fabriquée par les moines. Vous savez ce que ça veut dire, chartreux? Non. C'est l'heure d'apprendre tout en s'amusant. Ça veut dire prison, comme se mettre des barreaux idéologiques dans la tête. Ah, arrête, et donc, c'est fou de même. Mais là, la chartreux a fait des victimes, Madame Mourani, quand même. Oui, Maria Mourani, excommuniée de l'Église catholique souverainiste. Ouais. C'est un nous exclusif, ça, l'Église catholique souverainiste. Si vous n'êtes pas avec nous, on vous expulse parce qu'elle a tenu son bout. Les Gypsy Kings l'avaient dit. Maria, quand elle danse jusqu'au bout. Ouais, mais elle avait juste à faire comme les autres musulmanes, puis soumettre. Mais elle est catholique, Maria. Ah, elle est catholique. Elle est catholique. Oui. Ben, c'est pour ça que c'est compliqué, de Sainte-Bénite de Saint-Crème. Ben oui. Ben oui. Chrétienne Mouranite, je pense. En plus. Ah, elle est bonne. Vous avez d'autres choses à dire là-dessus ou non? Non. C'est plate. Mais politiquement, là, vous êtes un analyste senior quand même. Sûr, vous êtes en plus sur toutes les plateformes qui existent à Radio-Canada. Oui. C'est un projet électoraliste. Si on en a parlé un peu. Ben oui. On en a parlé. Non. 2 millions en pub de propagande. C'est pas électoraliste, ça. C'est un projet de société, votre civilisation est aux portes de Montréal. Oui. La majorité silencieuse, là. Murmurer. Hein? Ouais, ouais. D'ailleurs, selon mes sources, le projet initial prévoyait aussi l'interdiction des plumes et des capteurs de rêve aux employés autochtones. Ah ouais? Oui, tout à fait. Des yeux bridés au Falun Gong, des cravates noires aux témoins de Jéhovah et des chignons aux Raéliens. Mais toute législation sur la barbe a été écartée à la suite des pressions de Pierre Duchesne, de Daniel Payet et de Victor Lévy-Beaulieu. Ouais. Ouais, les patchs Hells Angels aussi, pas considérés ostentatoires pour des questions de survie politique, semble-t-il. Ah, d'accord. C'est, Pour les cathos, c'est correct. Eux vont pouvoir continuer à écouter Radio Ville-Marie au travail. Mes bien chers frères, se faire crucifier, flageller par leur patron là, avant chaque week-end de Pâques, et crier leur adoration de la Sainte Flanelle, porter les couleurs de leur équipe, même s'il s'agit quand même de prosélytisme sportif. Je vous regarde, le Fred Savard, parce que c'est patrimonial, la Sainte Flanelle. D'ailleurs, parlant de patrimoine, comme il y a un crucifix dans chaque chambre d'hôpital, là, ça coûterait trop cher de patcher les trous là, en petit Jésus de plâtre et de repeindre partout. Donc, ça, on va faire avec, et les prêtres vont pouvoir continuer à rester dans les chapelles des hôpitaux pour répandre les valeurs comme la charité, l'amour et la pédophilie. J'ai pas lu votre texte, on dirait, avant de... D'ailleurs, Télé-Québec a reçu l'ordre de changer le titre de l'émission de José Distasio, qui est actuellement, on le sait, Alla Distasio. Et selon ce qu'on me dit, Pauline Marois serait prête à certains accommodements pour le foulard si c'est un Hermès. Bref, les valeurs, c'est bien valeurs, mais ça s'achète aussi. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est fou, hein, mais c'est... C'est déjà tout pour l'émission. On vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où on rencontrera le libraire Daniel Sioui de Wendake. Et... Des livres en écorce de bouleau. Jean-Sébastien, on vous entend? Je le sais. OK, pardon. Merci à toute l'équipe. Merci à Marie-Hélène Racicot, à Jean-Loup Gagnon, à Steve Côté, à Philippe Roberge, de Grand Alex Courteau et Marie Lambert. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur Curzi, bonne chance avec votre maternelle. Merci. Au NMQ. C'est l'obligatoire 4 ans, là. C'est pas maternel, nous autres. Ah non! Tout le monde faut qu'il y aille. Ah oui, c'est ça. Ils ont déjà au moins 4 ans. c'est bon. Ça, c'est le fun. C'est comme une CPE. Mais bonne chance avec la charte. Et, mon Dieu. Je vais essayer de dire votre. Mademoiselle Cadet va être plus facile. Hein? Madois. Oui. Madois. Bonne chance. On se revoit aux élections. Est-ce que vous allez être encore candidate? Aucune idée, non. Ah non? Vous avez pas le même? J'en ai vraiment aucune idée. OK, parfait. Et vous étiez pour que les bars ouvrent jusqu'à 5 heures, si on s'entendait? Excellent! Vous réécoutez notre balade. J'ai réussi ce que Paul Arcand n'a pas réussi. Bravo. Quand même, les jeunes ont voté contre. Faut quand même finir avec cette. On coupera au montage. OK! Vous réécoutez notre balado en vous rendant sur notre site web. Vous parlez-nous à vos amis. Venez assister à l'enregistrement d'émission. Ça se fait les vendredis à 4 heures. Envoyez-nous un courriel. On va se faire un plaisir de vous réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier, qui vous souhaite de passer une très belle soirée. Woo!